Perdu un bango, mama le billet. Perdu un bango, mama le billet. Sombe l'ambaye. Somme à vélo. Congrète à nos yeux n'amboka. Oye, coco sangre, mamae. Namon imbangote. Namon imbangote. Namon imbangote. Namon imbangote. Parti nanga. Je m'en bats le bonga et salamama. Sagoya linginga pana mbanga, sagoya linginga pana kitaka, sagoya linginga pana kolia, tolingana, tokana, tosakana, tokana bongo tokosua. Bipana bipa, wando. Mama, urudwa. Lola kaba kuto na le le le le le le le le le le le o. Mama o, oyokite, ebuni yango, obuni na bolondo kamabe. Piano, Tindana, Vitoria, Caracalica, Tuna, Mamma.